On va en faire une. C'est une chanson vraiment pas connue, hein. D'accord ? Avec mon super accent auvergnat anglais. Alors, pour le moment, je suis sur les pages de La Redoute. Klaus, do you want to play a new song? Justin, you are okay? Okay. Dans ma voix. Ah, il y a un délai. Alors. La voilà. Voilà ma voix sans effet. Je fais juste un test sans effet. Pour faire plaisir à Caillou, genou. Mary, come to me, speaking word of wisdom, let it be. Voilà. And in my arms of darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Oh, let it be, let it be. Préféré, c'est celui-là. Et la voix de caramel. Moi, je m'en fous. J'ai préféré la voix de caramel. Elle est mal réglée là. I will know when time. And will know time. Ça sonne faux là. C'est la réverb de Ninja, ça. Ninbot. J'ai choisi la live vocal. Intime vocal. Ah ouais, là on est dans une toute petite... On est dans un petit couloir. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour dire adieu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, c'est quoi ça? Alors attends, on peut la baisser, mais je sais pas comment on fait. Ah ouais, là. Baisser la taille de la pièce. Eh, hey, hey, eh, 1, 2. Comment on fait? 33. Eh, hey, eh, hey, 1, 2. On n'arrive pas à y baisser. Ah, d'accord. Eh, hey, eh, hey, eh, hey, eh, hey, eh, hey, eh. Hey. réverb sur ces amplis là. Thank you. Tu ferais pas du de la musique comment dire métal? J'essaye de travailler un morceau de guitare. Oh putain, il va falloir que je travaille. Ah. faire une chanson en français. Une dernière. J'aime bien quand ça bug.